France. Donc, je suis économiste, moi, de formation. Personne n'est parfait. Donc, je suis un économiste qui est venu dans les méthodes historiques et tout, mais je reste économiste. Je suis chercheur au CNRS dans la section économie. Donc, j'ai travaillé pas mal, moi, sur le rapport capital-travail avec une application à l'industrie minière, avec tout un substrat théorique lié au cycle long de l'économie, bon, les cycles type comme Rateiff. Bon, donc, et en travaillant sur ce rapport capital-travail, petit à petit, il m'est aperçu que bon, le rapport de genre avait quelque importance dans la construction du rapport salarial. Et bon, le champ d'application des mines, j'ai travaillé d'ailleurs sur les femmes et la mine, mais vu que c'est quand même assez marginal en termes de nombre, en tout cas, le travail des mines et des femmes, et que très vite elles ne travaillent qu'au jour, fait à partir de 1874, bon, j'ai cherché un autre champ d'observation pour mettre en œuvre un peu ma grille de lecture, donc capital travail, c'est-à-dire tous les rapports entre formation, innovation technologique, qualification, enfin, tous ces aspects-là. C'est-à-dire que moi, je suis un économiste qui, doublement particularisé, je m'intéresse au long terme, contrairement à la plupart des économistes, et en plus, je ne privilégie pas le marché, je privilégie plutôt l'approche par le système productif. Donc, voilà, ça me fait déjà deux particularités par rapport à la plupart des économistes. Donc, j'ai cherché un champ d'application qui soit où je pourrais voir effectivement évoluer ce rapport de genre en liaison aussi avec le rapport salarial. Et bon, je suis arrivé sur la viticulture parce qu'il se trouve bon, que je connais bien un peu ce milieu, que j'avais au départ fait une formation d'économie agricole. Bon, donc, j'ai pris la viticulture. Alors pourquoi? Bon, pourquoi? Bon, l'agriculture m'a paru intéressante. D'une manière générale, l'agriculture, moi je trouve que par rapport à, d'abord, c'est vrai qu'il y a assez peu de choses par rapport à tout ce qui a pu se faire sur le tertiaire ou même sur le monde industriel, en termes de rapport de genre, enfin, d'histoire du genre. Et l'intérêt donc méthodologique de l'agriculture et la complexité en même temps, c'est qu'il y a effectivement un rapport aux conditions climatiques, un rapport à la saisonnalité, qui fait que chaque saison amène des travaux différents, donc des rapports de genre différents, un rapport salarial aussi, une façon, une rémunération éventuellement différente. Donc on a finalement un laboratoire complexe mais extrêmement riche, quoi, par rapport à ce qu'on peut avoir dans le monde industriel où finalement la saisonnalité peut jouer, mais plus ça va vers la révolution, plus on va vers la révolution industrielle, moins elle joue. En tout cas, bon, moi, dans les mines, elle jouait relativement peu. Bon, les conditions météorologiques encore moins. Donc, voilà, j'ai trouvé cette richesse bon, de l'agriculture. Alors, l'intérêt de la viticulture au travers de l'agriculture, il est double. D'une part, et bon, je connaissais déjà pas mal toute l'historiographie viticole. Généralement, quand vous prenez une thèse sur l'histoire viticole, qu'elle soit sur le Midi, qu'elle soit sur la Gironde, sur la Bourgogne ou ailleurs, on commence à dire la viticulture, c'est tout à fait différent du reste de l'agriculture. C'est finalement un postulat d'exceptionnalité qui est posé, donc comme ça, bon, il y a un postulat, c'est une exception, donc je vais parler de la viticulture et je ne parlerai pas de tout le reste. Moi, je pense qu'en travaillant dans le rapport de genre et dans le rapport salarial et tout, la viticulture est totalement inclue dans le développement agricole. Ce n'est pas une exception. C'est un cas particulier, ce n'est pas une exception, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est quand même tout à fait, qui unifie l'ensemble du secteur agricole d'un point de vue de son histoire. Enfin, de son histoire, moi quand je dis son histoire, je vais expliquer pourquoi. Je commence en 1860, en gros, hein, jusqu'aux temps les plus actuels. Donc l'agriculture a quelque chose qui l'unifie, presque en creux, c'est l'absence de loi sociale. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une loi sociale qui s'applique à l'industrie, voire au commerce, eh bien, ça ne s'applique pas à l'agriculture. Et ça, quand on travaille sur les individus et non plus sur le marché, donc on fait cette approche par l'individu, par le travailleur, c'est vraiment un élément qui distingue l'ensemble des travailleurs agricoles, qui pendant longtemps sont quand même très majoritaires dans la France, de l'ensemble des travailleurs industriels et de ceux du commerce. Donc pas de loi sur les accidents, pas de loi du travail, pas de loi sur la sécurité sociale, bien sûr, les assurances sociales, et bon, on est plus tard, pas de loi sur la durée du travail, pas de loi sur le travail de nuit, pas de loi. On est vraiment devant chaque fois une exception agricole. Et ça, c'est extrêmement intéressant à voir comment, au travers d'une branche, bon, qui est en l'occurrence la viticulture, va se construire ou ne pas se construire, justement, sous la pression du lobby, notamment des propriétaires fonciers, qui sont très majoritaires au Sénat pendant longtemps, comment cette exception agricole va se construire et comment le rapport de genre à avoir dans cette exception agricole. Donc voilà pourquoi, bon, l'agriculture et la viticulture. La viticulture va être intéressante dans la mesure où justement, là, c'est un cas particulier, c'est la place importante du prolétariat dans la viticulture par rapport à une agriculture qui aussi est jugée généralement comme l'exploitation familiale, le lieu finalement du petit propriétaire. Ce qui, à mon sens, n'est pas vrai d'ailleurs, même hors de la viticulture, mais en fait, il y a toute une littérature sur la viticulture, sur l'agriculture, lieu de la paysannerie, petite paysannerie, et qui n'aurait finalement disparu que depuis ces 30 dernières années. Bon, en viticulture, on a très vite un capitalisme viticole, qu'on va appeler, avec de grandes exploitations, avec des dizaines de salariés, sinon des centaines parfois. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va avoir donc tout ce qu'amène le prolétariat, c'est-à-dire l'organisation, le syndicalisme, la revendication, la grève. J'ai même des grèves exclusivement féminines en agriculture. Donc, ça, c'est intéressant aussi de voir qu'on n'est pas dans un monde complètement coupé du mouvement social. Et ce seront des ouvriers qui vont être très proches des bourses du travail, donc des ouvriers de l'industrie. Donc il va y avoir quelque chose là, de l'ordre de la lutte des classes, quoi, qui s'exprime dans l'agriculture, et qui est assez peu finalement travaillé aussi. Et encore moins quand il s'agit des femmes, évidemment. Bon, voilà, alors pourquoi 1860 alors? Bon, il faut bien prendre une borne. Au départ, j'avais pensé plutôt 1880, parlant de la viticulture qu'on appelle post-phylloxérie. Alors bon, pour aller vite, mais il faut quand même des fois que je dise quelques... Vu que vous n'êtes pas, a priori, me semble-t-il, des spécialistes de l'histoire viticole. Bon, c'est une des grandes ruptures de la viticulture, c'est l'apparition d'un petit insecte vers 1870. Qui va manger les racines de la vigne et remettre en cause donc tout le vignoble français, enfin pas que français d'ailleurs, européen, à partir d'un insecte donc, qui est arrivé d'Amérique, enfin peu importe. Et on va être obligé de reconstituer, de refaire tout le vignoble. Et il ne va pas se faire de la même façon. C'est pour ça que ça fait une borne importante. Mais à la réflexion, j'ai poussé un peu plus avant parce qu'il y a d'autres mutations. C'est l'apparition des premières maladies de la vigne, c'est l'oïdium, finalement, je crois. L'oïdium, c'est un cryptogame, un champignon, qui va attaquer la vigne en 1852. Et il va falloir commencer à soufrer. Le soufre va être pas curatif, mais préventif face à cette maladie de la vigne. Donc, je trouvais qu'il y a le soufre, il va y avoir le phylloxéra. À peu près en même temps, parfois, selon les endroits, avant, selon les terroirs après, il va y avoir le mildiou, c'est-à-dire une autre maladie cryptogamique, qui donc va être résolue par les traitements au sulfate de cuivre. Donc, ça veut dire qu'en l'espace de 20-30 ans, là aussi, parce que le phylloxéra met une trentaine d'années à se propager entre la vallée du Rhône et en gros la Champagne et l'Alsace, qui seront les derniers touchés en France. En 30 ans, on va avoir une reconstitution totale de la vigne, de sa culture, c'est-à-dire qu'il y avait des endroits où il y avait traditionnellement de la vigne depuis des siècles, qui ne vont plus en faire, des zones septentrionales, des zones de montagne, parce que la nouvelle vigne est plus fragile. Elle nécessite plus de travail. Donc on part vraiment sur des bases très nouvelles, quoi. En même temps, on en profite pour replanter de manière différente. Alors là, je ne rentre pas non plus dans les aspects techniques, mais jusque-là, on avait ce qu'on appelle des plantations en foule, c'est-à-dire avec en gros, dans certaines zones, jusqu'à 30 000, 40 000 pieds à l'hectare, et donc des pieds qui ne permettaient pas la culture avec des labours tractés. Donc il fallait tout faire à la houe, à la main. Et là, avec la reconstruction post-phylloxérique, on va reconstruire avec en gros des 5 000 à 10 000 pieds à l'hectare. Et la possibilité des rangées, donc, pour pouvoir passer avec des charrues, avec du bétail, quoi, soit des bœufs, soit des chevaux. Enfin, des chevaux ou des... Donc, voilà, 1860, 70, un point moyen. On a vraiment cette nouvelle viticulture qui va évidemment avoir certains éléments qui sont des éléments qui perduraient, qui existaient, bon, et d'autres qui sont radicalement nouveaux. Parce que bon, le remède que l'on trouve pour le phylloxéra, après avoir cherché pendant une bonne quinzaine d'années, c'est en fait en gros, là aussi, pour, même s'il y a quelques petits remèdes locaux, c'est la replantation en greffant un plant français sur un plant américain. Parce qu'on s'est aperçu que les vignes américaines, la vigne américaine sauvage, celle qui était vraiment dans la forêt, non travaillée, n'était pas sensible à ce petit insecte, au phylloxéra. Donc on va replanter en greffant. Donc encore une fonction viticole qui n'existait pas, ou quasiment pas, puisque jusque-là on faisait du marcottage. On appelait ça du provignage, c'est-à-dire on mettait un sarment, et hop, ça repartait, c'était beaucoup plus simple. Donc voilà, on va se retrouver avec une vigne qui demande plus de capital, plus de main-d'œuvre, plus fragile, qui va l'exclure des zones les plus septentrionales et les plus montagneuses, qui va l'exclure, et là ça rejoint les aspects de pluriactivité, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de zones où la vigne était cultivée en marge ou à côté de tout un tas d'autres cultures, et qui va être abandonnée parce que l'entrée au marché est beaucoup plus difficile, le capital initial à engager est plus important, etc. Donc voilà, moi je commence, si vous voulez, à ce moment-là où ce qui fait déjà une amplitude temporelle 1860-2010, hein, en gros, c'est pas mal, 150 ans, quoi. Donc voilà, je travaille moi sur ce que j'appelle donc. Alors ici, là, je vous parlerai essentiellement donc, des femmes salariées, mais moi, mon programme de recherche, c'est l'ensemble des femmes dans la viticulture. Le titre de l'ouvrage que j'essaie de terminer, là, s'appelle Les femmes et la vigne. C'est donc les femmes à la fois propriétaires, les femmes épouses de petits propriétaires et les femmes salariées. Mais bon, je pense que c'est parfois des problématiques assez différentes. Et là, je vous parlerai plutôt sur les salariés. Mais bon, moi, d'une manière générale, je m'intéresse aussi donc à tous les aspects et ça revient en permanence dans mon propos, du lien entre le travail dans la sphère professionnelle et le travail dans la sphère domestique. Et les arbitrages qui sont faits, soit par les femmes, soit par les hommes, soit par la législation, etc. Bon, alors moi, mes sources, bon, d'abord, mes références, bon, moi j'ai des références pluridisciplinaires, je suis déjà économiste et c'est vrai qu'en économie, on n'est pas très fort sur le rapport de genre, pour pas dire assez mauvais. Bon, il y a Catherine Sauffert qui a travaillé sur les femmes et le travail, qui a formalisé ça dans le milieu économique, mais c'est très, enfin, au niveau français, en tout cas, c'est très rare. Bon, après, j'ai repris donc la littérature en sociologie, qui est évidemment beaucoup plus importante. Bon, quelques-uns qui m'ont beaucoup plus intéressé, Madeleine Guibert, bon, que je trouve, moi, très proche de ma problématique, d'aller vraiment sur les tâches concrètes qui sont réalisées par les femmes. Bon, Margaret Mariani aussi, bon, Daniel Kergoat, mais avec des travaux là qui sont surtout sur l'industrie ou les services. Et puis des travaux focalisés sur le secteur agricole. Donc, il y a Rosemarie Lagrave, qui était 83, qui a commencé à travailler là-dessus. Les travaux d'Alice Barthès aussi, un peu. Dany Rieu à Toulouse. Bon, il y en a d'autres, mais enfin, bon, c'est les principaux, mais qui en même temps sont peu sur le salariat agricole, qui sont essentiellement sur des travaux sur vraiment les exploitants agricoles et les femmes d'exploitants. Bon, des travaux en ethnologie aussi, Bonnaffé, Pasteur Barué, certains qui touchent d'ailleurs la viticulture, Willy Lem, évidemment l'histoire quand même, bon, Michel Perrault, Michel Zancarini Fournel, Catherine Omnès, Laura Frader. Laura Frader, ça m'intéresse d'autant plus parce que c'est la seule à avoir vraiment, historienne, à avoir vraiment abordé la femme et la viticulture, mais c'est une approche monographique. Voilà, ça c'est des références. Or, après, mes sources. Alors, mes sources, bon, évidemment, j'ai repris toute la littérature, l'historiographie viticole, bon, sur les différents bassins, parce que les différents terroirs, parce que j'ai pas. Moi, j'ai aussi ce souci de travailler sur l'ensemble de la viticulture, quoi, française. Souvent, les thèses qu'il y a sont des thèses qui isolent. Au contraire, on fait la viticulture en Gironde, la viticulture en Bourgogne, la viticulture dans le Midi. C'est un moyen aussi d'évacuer. Et les femmes sont encore plus transparentes quand on reste dans l'espace d'un terroir très précis, quoi. Bon, mais je suis allé réinterroger toute cette littérature viticole quand même, parce que même sans le vouloir, parfois, ceux qui ont travaillé sur cette historiographie viticole parlent des femmes. Bon, parce qu'évidemment, quand je leur ai dit à tous ces collègues que j'avais travaillé sur les femmes, la première chose, comme vous avez dû l'entendre, vous, dans pas mal de secteurs, c'est les femmes, mais elles n'y sont pas en viticulture. Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, quoi? C'était pas un sujet, quoi. Ça n'avait aucun intérêt. Bon, donc, réinterroger cette historiographie viticole. Mais bon, j'ai fait un dépouillement aussi, je suis parti là-dessus, de revues professionnelles. On a des revues professionnelles extrêmement fouillées en viticulture. Donc, j'ai dépouillé Le Progrès agricole et viticole, qui existe depuis 1884 et qui existe encore, qui est une revue vivante, qui était au départ hebdomadaire d'ailleurs, donc ça fait pas mal de numéros. La revue de viticulture, qui commence en 1894 et qui s'arrête en 1940. Le Messager agricole et viticole, qui commence lui plus tôt, 1860, qui va s'arrêter en 1906. Donc c'est ces trois revues déjà où j'ai le dépouillement systématique. Bon, les guides et annuaires professionnels, des fonds d'archives départementales, bon, les CRIM, LU, les W aussi, pour le plus récent, dans l'Aude, le Gard, l'Hérault, les PO et la Gironde. Là, je ne suis pas allé sur la Bourgogne et tout ça. Bon. Et puis des fonds d'archives privées aussi, pour revoir les livres de compte, les feuilles de paye, pour rentrer vraiment dans les types de paiement très concrètement. Et tout ça complété par quelques entretiens auprès de viticultrices, donc retraitées ou en activité. Mais je ne suis pas là, honnêtement, ce n'est pas mon fort. Moi, je n'ai pas de formation à l'entretien direct et tout. Je préfère des fois retravailler les entretiens d'autres que. Enfin bon, ça fait partie de. Chacun, on a nos forces et nos faiblesses à nos formations. Bon, je suis arrivé à activer des choses, mais je pense que je passe à côté parce que, bon, ben, c'est pas ma formation initiale. En fait, voilà. Donc, quand même, j'ai un corpus de sources qui est important et j'arrive à partir de là, bon, à mettre en évidence pas mal d'éléments sur ce que j'appelle le genre des fonctions viticoles. Et voir à chaque. J'ai essayé de faire un peu une nomenclature pour chaque. Comme je vous disais, l'intérêt, c'est qu'à chaque saison, il y a des travaux différents en agriculture, et en particulier en viticulture, et voir comment le partage des genres se fait, qui fait quoi. Dans le premier, bon, si je prends le cycle végétal de la vigne, bon, le premier, ce sera la taille, c'est-à-dire la taille de la vigne, on coupe les sarments pour préparer une saison nouvelle. Ensuite, il y aura le travail de la terre avec tous les labours qui se forment généralement l'hiver au printemps. Les fameux traitements contre les parasites de la vigne, puisque j'en ai déjà parlé, c'est quand même quelque chose de récurrent encore aujourd'hui, que ces parasites de la vigne. Donc, comment, qui fait quoi dans ces. La plantation et le greffage de la vigne, là je le mets là parce que ça se fait à peu près au printemps aussi, ou à la fin du printemps. Tous les travaux qu'on appelle la taille en verre. La taille en verre, on croit généralement que c'est une expression récente. Je la retrouve en fait depuis 1860 et 1870. Ça, c'est intéressant. Alors, on met derrière le terme de taille en verre toutes les opérations qu'on appelle rognage et feuillage et bourgeonnage, qui sont des opérations où l'on va intervenir sur la vigne entre le mois de mai et le mois de juillet pour couper soit des feuilles parce que pour que la vigne rediminue, soit les rabattre, le relevage qu'on appelle parfois. Sans plus, le problème des termes, c'est que d'un terroir à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes termes pour la même opération. Soit couper des graines de raisin quand il y en a trop, ce qu'on fait aussi sur les fruitiers parfois. Enfin, c'est toutes ces opérations qui se font pendant le cycle végétatif, quoi. Pendant la végétation de la vigne, entre le mois de mai et le juillet, et après on laissera la vigne tranquille jusqu'à la période des vendanges. Donc évidemment, vendange et vinification. Donc vous voyez, c'est très riche. J'ai déjà quand même tout un panel, là, 7 ou 8, et encore qu'il y a des fonctions intermédiaires, il y a la fumure des vignes, on peut multiplier après le genre de fonction. Mais déjà, bon, à partir de ces fonctions, je dis qui fait quoi et à quel moment il y a des ruptures. Voilà un peu, si vous voulez, ce que je voulais vous présenter. Alors, la taille. La taille, c'est intéressant parce que là aussi, on a une innovation qui va se propager à peu près selon les terroirs entre 1850 et 1880, qui est le passage de la serpe au ciseau à tailler. Au ciseau, ciseau plus ou moins gros, ou au sécateur, quoi. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit pratiquement sur tous les terroirs, il n'y a que la Champagne qui fait à peu près exception, ce sont les hommes qui taillent et les femmes qui ramassent les sarments. Et ça reste encore, même, hein, dans certains endroits, vous pouvez le trouver, même si on est en train de changer là-dessus. Mais bon, et ça, je n'ai même pas trouvé l'origine de la division. Moi, je ne suis pas un historien moderniste, encore moins, donc moderniste ou du Moyen-Âge, pour savoir est-ce que, même quand on voit les représentations, en tout cas, de la vigne au Moyen-Âge, c'est l'homme qui taille la serpe et qui taille la vigne, quoi. Pourquoi effectivement c'est devenu. Mais bon, ça sort de mon champ. Hein. En tout cas, c'est comme ça, c'est une fonction ancienne. Et on aurait pu penser que le passage au sécateur, moi ce qui m'intéresse, c'est comment une innovation va perturber le rapport de genre ou ne pas ou le renforcer. Et là, l'innovation qui est le passage de la serpe au sécateur, à mon sens, renforce ou en tout cas perpétue, ne contribue pas à changer le rapport de genre. Les femmes ramassent les sarments. Alors bon, c'est-à-dire que l'homme taille comme ça, et les sarments tombent par terre, et après, soit de suite après, soit quelques jours plus tard et tout, les femmes passent derrière et enlèvent les sarments parce qu'on est obligé de les enlever pour pouvoir labourer ensuite, sinon ça va gêner dans tous les travaux ultérieurs. Donc j'ai fait une césure jusqu'à 1950, après il y a des brouettes à sarments, alors je ne vais pas détailler parce que. Rentre dans des aspects techniques, mais qui sont intéressants. Là aussi, cette brouette à sarments, c'est-à-dire qu'on va bricoler un outil qui va permettre à l'homme, quand il taille, de mettre le sarment directement dans une sorte de bidon que l'on allume, auquel on met le feu, et le sarment sera brûlé au fur et à mesure. Et en plus, ça réchauffe l'atmosphère, parce que donc, c'est un travail d'hiver, et il fait froid, surtout quand il y a du vent. Enfin, donc ça, c'est quand même assez pénible, lié au froid, aux intempéries. Bon, donc, ça, il faut bien voir. Cette partition, elle est déjà fondamentale, parce que tailler, c'est quand même la fonction noble de la vigne. Hein. C'est ce qui va permettre de préparer la prochaine récolte, qui va modeler la souche, et les femmes sont exclues. Alors, pourquoi elles sont en Champagne, pas exclues? Bon, là, j'ai mis l'hypothèse qu'en fait, c'était lié à la plantation en foule, dont je vous parlais tout à l'heure, ce fait de mettre 40 000 pieds à l'hectare, qui est vraiment très pratiqué en Champagne jusqu'en 1914, en gros. Et cette plantation en foule fait que les vignes restent des vignes, un arbuste très grêle, au lieu d'être avec un gros tronc, comme c'est dans le Midi, ou en Gironde, ou même en Bourgogne. On va avoir une vigne avec finalement un tronc très fin et tout, et donc il n'y aura pas de. On peut estimer que l'aspect de force, puisque on taille les sarments, mais on taille aussi le bois mort. Donc il faut. On peut estimer qu'il y a peut-être eu un rapport à la force qui était différent dans le Champagne et ce qui pouvait être ailleurs. Mais bon, ça reste une piste, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres choses qui jouent aussi. Il peut y avoir les travaux. travaux parce qu'il y avait le problème des petits des tuteurs. En Champagne, on mettait des tuteurs qu'on appelle des échalas. On les mettait, on les enlevait chaque année. C'était un gros travail. Donc, pendant que les uns faisaient ça, les autres taillaient. Il y a aussi une partition du travail. Mais enfin, bon, voilà, c'est aussi l'intérêt de travailler sur plusieurs terroirs, même si ça accroît ma difficulté. C'est que ça m'interroge sur des choses qui paraissent évidentes partout ailleurs. Pourquoi il y a une exception notable? Les femmes qui ramassent les sarments. Et ramasser les sarments, c'est pas facile. Hein. Ça aussi, bon, c'est le point de t'expliquer concrètement. Mais on ne peut pas dire qu'en tout cas, ce soit la pénibilité qui est fait de dire le travail pénible à l'homme, le travail moins pénible à la femme. On le retrouve, ça, dans des textes. Mais il suffit d'avoir taillé et ramassé les sarments pour voir que c'est complètement faux. Hein. Ça, c'est peut-être de l'histoire expérimentale, mais je peux vous dire que c'est beaucoup plus agréable de tailler que de ramasser les sarments. En dehors de toute considération de salaire ou quoi. Hein. Parce que, évidemment, le salaire ne va pas être le même. Mais, bon, c'est très pénible, ramasser les sarments. Très pénible, très répétitif, très ingrat. Mais bon, c'était les femmes. Bon, je passe sur la taille, mais on pourra y revenir. Bon, le travail de la terre, donc en gros, j'ai les hommes qui, jusqu'aux années donc, 1890, ça aussi, ça dépend des terroirs, font les façons à la houe, qu'on appelle, la houe à la bêche, enfin, puis le labour au cheval ou avec un équidé ou un bœuf. Et pendant ce temps, les femmes qui font ce qu'on appelle le déchaussage, c'est-à-dire d'enlever la terre juste autour du cep de la vigne, ou les interlignes, c'est-à-dire la terre qui est entre les deux souches, bon, où l'on ne passe pas, si on ne croise pas, c'est-à-dire que si on ne laboure que dans un sol, vous avez un interligne qui n'est pas labouré, et donc ça c'était les femmes qui l'enlevaient à la bêche. Et qui vont l'enlever jusqu'aux années 1950, pendant que les hommes, eux, sont à labourer avec le cheval, puis le tracteur. Enfin, l'apparition du tracteur, alors là aussi, ça évolue entre 1930 et 1960, selon les types de propriétés. Et donc, depuis 1950, on a l'homme qui est au tracteur, qui est sur le tracteur, et puis les femmes, soit qui ne travaillent plus du tout sur cette fonction-là, soit qu'ils font le décavaillonnage, c'est-à-dire donc toujours cette interligne. Je dis le décavaillonnage parce que c'est un terme qui s'emploie plutôt en Gironde, et c'est surtout en Gironde où les femmes continuent à travailler, à faire cette fonction-là. Et j'ai vu, moi encore, dans des grands domaines, hein, grands domaines comme Château-Niquel, qui est quand même des fleurons quoi, de la viticulture française mondiale, les hommes perchés tous, il y a 20 hommes qui sont employés aux vignes, sans parler des travaux en cave. Il y a une équipe de 20 hommes et une équipe de 20 femmes. C'était l'an dernier, ça. Et vous voyez, à 5 heures du soir, les hommes rentraient avec les crocs en jambes et les femmes rentraient avec la bêche sur l'épaule. Mmh. Et ça, c'est quand même la viticulture au top niveau mondial. Quoi. Ouais. C'est pour ça que bon, moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler, y compris, bon, parce que évidemment, si vous allez sur le site Château Yquem, on vous présentera les productions. La promo, le commerce international, mais le travail concret des gens, il est très loin. Quoi, hein, alors que c'est au départ quand même leur travail qui contribue à faire le château Yquem. C'est un petit aparté, mais qui est important pour montrer que même si ça reste marginal, ça devient marginal, parce que la plupart des endroits, on ne fait plus ces travaux à la même et tout, le château Yquem, ils ont même encore un cheval. D'ailleurs, il y a quelques parcelles qui sont labourées aux chevaux. Bon, en fait, donc là, les endroits où se sont perpétuées des formes de travaux, de travail ancestral, même avec la modernité, parce que, je veux dire, il y a les derniers tracteurs, derniers cris et tout. Mais j'ai interviewé des femmes, elles me disent, non, on ne touche pas les tracteurs, c'est les hommes. Et c'est les femmes qui sont bien contentes d'être là, parce qu'elles elles sont payées correctement par rapport à ce qu'on peut trouver dans la campagne du sauterne, etc. Mais la partition du travail est extrêmement marquée. Bon, donc ça me paraît intéressant de le faire émerger. Quoi. Après, si j'avance dans le temps, enfin dans le temps, dans la saisonnalité, il y a tous ces travaux, donc ces traitements contre les parasites de la vigne. Alors là, je ne rentre pas les détails, parce que sinon je vais vous saouler aussi, car on n'est pas spécialiste des différents. Mais donc, il y a en gros des insectes qui attaquent la vigne, et il y a ces fameux champignons, les cryptogames. Dans les insectes, ça a été la pyrale. Donc, On parle encore du pyralium, des problèmes aujourd'hui, ça revient beaucoup sur le devant de la scène, sur les aspects d'environnement et d'atteinte aux personnes, quoi, hein, puisque c'est des poisons, vraiment. Donc, avec les chaudages, le clochage, qui sont des systèmes pour lutter contre la pyra. La pyra, c'est un petit insecte. La cochilis, qui est un autre insecte aussi. Et puis les cryptogames dont je vous ai parlé, l'oïdium à partir de 1855, pour lequel on emploie le soufre, et le mildiou. Alors là, l'intérêt, c'est de voir que là, les femmes sont vraiment mises à contribution très fortement. Quoi. Ah oui, non, mais là, parce qu'il faut bien voir ça, sinon, mais, je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, mais... Il faut les protéger, ces pauvres hommes. Oui, mais... Les produits chimiques, c'est quand même assez dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse, c'est ça. Oui, d'ailleurs, c'est les femmes qui vont préparer souvent les mixtures, l'oïdium, c'est le soufre, donc c'est pas très marrant, mais ça fait pleurer énormément, très vite, c'est très agressif pour les yeux. Le sulfate de cuivre, donc avec le mélange, fait la bouillie bordelaise qu'on appelle en fait. Et les femmes, non, mais enfin, parfois elles vont porter aussi la machine, puisqu'au départ c'est les soufrettes, puis ce sera des machines. On trouve des représentations des femmes et des machines, donc ça fera partie aussi des luttes sociales, qu'elles ne portent pas la machine, etc. Dans la pyrale, c'est elles qui vont. Passer, puisque le remède que l'on trouve, c'est de les ébouillanter, ces insectes-là. Donc on est avec une grande échaudeuse. Donc c'est une machine que l'on chauffe et où l'eau bout à 100 degrés. Et on va avec les femmes vont avec des sortes de carafons ébouillanter, enlever la. Puisque c'est dans l'écorce, il faut enlever l'écorce et aller ébouillanter ces bêtes-là. Et les hommes qui avancent au fur et à mesure la machine. Voilà, bon, je ne rentre pas non plus là-dessus, mais bon, c'est assez intéressant. Pourquoi ils vont beaucoup travailler là-dedans? Parce qu'encore une fois, c'est un travail qui se surajoute. Il faut bien voir que vous partez d'une vigne donc, qui nécessite en gros 100 jours de travail par an, par hectare, et on va passer à 200, 250 avec tout ce qui se rajoute, donc le greffage, les travaux. L'oïdium, le midiou, il faut passer entre 8 et 15 fois. Hein. Donc, ce sont des remèdes préventifs. Quoi. On ne peut pas le passer une fois qu'il y a une attaque de midiou, ça ne sert plus à rien. Quoi. Donc, ça va être très lourd. Quoi. Et donc, les hommes, pendant ce temps, sont plutôt occupés au labour. Traditionnellement, c'était une époque du labour, au mois de printemps. Donc, on va dire, ben, on met les femmes. On retrouve ce que vous avez dit de travail d'appoint. Moi, j'aime pas trop l'expression travail d'appoint. Je préfère parler de flexibilité, quoi, hein, parce que là, on rejoint vraiment les problématiques les plus actuelles, quoi, de l'utilisation du travail féminin. Quoi. Mais bon, c'est ça, travail d'appoint, où tu viendras quand tu en aurais besoin. Quoi. Ça, je retrouve ça, moi, en permanence. Quoi. C'est du jour au lendemain, où finalement, c'est pas la peine que tu viennes parce qu'il a plu. Donc là, le type de contrat, si on peut parler entre guillemets, quoi, de rapport en tout cas salarial à l'employeur, c'est vraiment une flexibilité totale. Quoi, hein, c'est, d'ailleurs, pour le soufre et tout, elles sont payées vraiment à l'heure, parce qu'en fait, on ne peut souffrer qu'à la pointe du jour, quoi, au matin. Après, à partir de 9h du matin, on ne peut plus souffrer, donc on leur paye 2 ou 3 heures et puis c'est tout. Quoi. C'est très bien comme ça. On ne va pas payer une journée entière quand même. Donc on est dans la flexibilité extrême. Là, hein. Bon, moi j'ai fait pas mal de papiers là-dessus sur l'aspect flexibilité parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Bon, enfin, moins, il y a quand même des ruptures. Bon, donc qu'est-ce que je pourrais dire alors, plantation et greffage. Alors ça c'est intéressant, plantation et greffage, parce que. Bon, mais là aussi, il y a beaucoup d'aspects techniques que je voudrais vous épargner. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que bon, la greffe, donc, est quelque chose de totalement nouveau. Ça va être tout un enjeu de savoir qui va greffer. D'abord, qui va aller à l'école de greffage. Parce que, bon, ça aussi, je ne le développerai pas ici, mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'enseignement féminin agricole, et donc, en l'occurrence, pour les viticultrices. Et je développe l'idée que cet enseignement est un enseignement d'exclusion au lieu d'être un enseignement d'intégration. On leur donne un enseignement pour justement qu'elles ne s'occupent pas de la vigne et qu'elles s'occupent de puériculture et d'économie domestique. Bon, bref, donc le greffage, c'est intéressant parce qu'il arrive là tout d'un coup, on est dans l'urgence, il faut replanter, c'est quand même un peu... Et donc au départ, on voit que les femmes vont, certaines femmes vont aller aux écoles de greffage et tout. Le problème, c'est bon, donc acquérir un savoir et après utiliser ce savoir. Et on s'aperçoit que ça se joue dans les années 1890-1890. Très vite, il va y avoir de moins en moins de femmes dans les écoles de greffage. Et surtout, quand il s'agira de greffer, les hommes, il va y avoir barrage, quoi. Il va y avoir de dire, ça doit être un travail d'homme. Alors là, c'est intéressant à plusieurs titres, quoi. Hein, parce que le greffage, bon, pas détaillé, mais enfin, vous pouvez l'avoir vu au moins sur les fruitiers, c'est pas très différent en vigne. C'est un travail de précision, d'agilité, en fait, tous les termes que l'on a d'habitude, qui font partie de la vulgate des qualités féminines innées, là, que l'on retrouve. Alors, c'est un peu gênant de dire à ces femmes qu'elles sont très, c'est très bien pour la couture, tout ça et tout, d'avoir des mains agiles, mais que pour le greffage, ce sera les hommes qui le feront. Et les hommes qui vont être payés double du tarif normal. Et là, bon, il y a quelques variantes régionales, mais enfin, la grosse différence, si vous voulez, c'est entre le sud de la France et le nord, enfin, le vignoble septentrional et le vignoble méridional, c'est que dans le midi, on peut greffer sur place, qu'on appelle, c'est-à-dire à la vigne. On va prendre un plan français, on va le mettre en terre, et après l'année d'après, enfin, on parle en américaine, et après l'année d'après, on greffera à la vigne. Et dans le nord, dans la Bourgogne, à partir de la Bourgogne, de la Champagne et de l'Alsace, on va greffer sur table, qu'on appelle, c'est-à-dire faire de la greffe en pépinière, en chambre chaude, parce que c'est là le temps plus froid, et la greffe à la vigne ne prend pas bien. Alors ça, on met 20 ans à s'en apercevoir, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais bon, donc il va y avoir cette partition. Et donc, on s'aperçoit que ça correspond aussi à une partition du travail selon les genres. Le travail, les femmes en pépinière, ça va, le greffage en pépinière va être fait par les femmes, à 90%, encore aujourd'hui. Si vous allez dans des pépinières, c'est les femmes qui greffent essentiellement. Et le travail du greffage à la vigne, c'est les hommes. Alors, évidemment, bon, quand vous en parlez, on dit oui, mais la vigne c'est plus pénible, il faut se courber et tout. Bon, quand il s'agissait de se courber pour ramasser les sarments ou les raisins, ça va, quoi. Ça peut être des femmes, mais se courber pour faire une greffe, là, ça peut être un homme. Donc l'explication ne tient pas, quoi. Hein. Alors là, j'anticipe, mais enfin, bon, c'est intéressant parce que vraiment, avec le greffage, en gros, pour le salaire, on a la règle que j'appelle du demi-prix, mais que l'on trouve, hein, le demi-prix du travail féminin, que c'est exprimé comme ça, quoi. Pour le greffage, ça va être le quart de prix. Parce qu'en gros, les hommes sont payés double quand ils greffent à la vigne. Payé double de leur nom, de leur salaire habituel, le salaire moyen de la vigne. C'est considéré donc comme qualifié, ils sont payés double. Par contre, les femmes en pépinière, pas du tout, elles sont payées tarif femme. Et on a les discours des pépiniéristes, notamment des textes savoureux de Franz Richter, qui était la plus grande entreprise pépinière du sud de la France, qui a inondé toute l'Algérie aussi de plats. Qui dit bon, je n'emploie que des femmes et je ne vous dis pas pour le tarif, quoi. Alors, il dit l'important c'est qu'elles ne parlent pas, d'avoir un bon surveillant, enfin, des textes savoureux là-dessus, ouais. Mais elles sont payées au tarif femme, donc de fait ça revient au quart du prix de l'homme pour la même tâche. Alors, ça c'est assez intéressant parce que là on a une fonction nouvelle, bon, puisque jusque là on greffait très peu, donc comme je vous disais en viticulture on faisait du marcotage. Et la fonction nouvelle va faire exploser. Au départ, on sent là, il y a quelques femmes qui sont formées, mais bon, très peu, et puis il n'y en a plus du tout. Et voilà, ça devient l'apanage des hommes. D'ailleurs, dans les écoles de greffage, il va y avoir après des dispenses de services militaires, des autorisations spéciales. Donc, on a même des gens qui ont mis leur diplôme à côté. Ça devient une marque de la masculinité, quoi. Voilà. De maître greffeur, quoi. Fait ça, je veux pas mal de donc, problèmes, pépinière, alors. Alors, en pépinière, elles apprennent. En rentrant dans la pépinière. Oui, elles apprennent. C'est très sommaire. Hein. On crée un petit système de taille de greffe et tout. Donc il y a une certaine standardisation des gestes qui est faite, qui s'opère. Et donc ça va se pratiquer, donc Richter met ça en place dans les années 1880. Ça va être repris par les Champenois, puisque le phylloxéra arrive 20 ans plus tard en Champagne. Ils ont le temps un peu de se préparer. En plus, donc, ils ont accumulé des capitaux, ils reconstituent plus vite. Et donc, Moët et Chandon, qui est la grande entreprise en fait, qui est le plus grand propriétaire viticole avant d'être le négociant, va créer des ateliers comme ça de pépinière spéciale femme et avec un tarif femme. Je trouvais que c'était tout à fait bon. Ça peut paraître caricatural, mais c'est extrêmement intéressant. Alors qu'on est sur un métier, encore une fois, une tâche qui demande agilité, dextérité, adresse, tout ce qu'on a dans la vulgate des qualités innées de la femme. Il était au départ plutôt dans l'horticulture, tout ça, mais enfin, il n'est pas grand-chose avant d'avoir ses pépinières, quoi. Ça fait son succès parce qu'il met en place, en plus il sent bien que pour les aspects septentrionaux, puisqu'il est d'origine allemande, lui, il est allemand même au départ, il se fera naturaliser, la greffe à la vigne ne pourra pas se faire, donc il prend le créneau de ce qu'on appelle encore aujourd'hui les greffes soudées, c'est-à-dire de vendre à la fois le kit, si vous voulez, mm-hmm. avec le plan français et le plan américain, et on n'a plus qu'à le mettre en terre. Mm-hmm. On ne greffe pas la vigne. Donc il va prendre ce créneau et le développer avec donc ses ouvrières. On greffe pour ça dépend, vous pouvez avoir des pépinières, je ne vais pas détailler, il y a les pépinières personnelles, donc, c'est-à-dire que les grandes propriétés, surtout dans le nord de la France et tout, vont faire leurs propres pépinières, on le trouve même dans des propriétés plus petites, il y aura des coopératives pépinières même, mais il y a des industriels de la pépinière. On trouve partout cette partition homme-femme, que même si c'est de. Elle est moins quand c'est des ateliers, évidemment, quand c'est familial, tout le monde s'y met. Mais enfin, on a toute une iconographie là-dessus, sur les pépinières. Quand elles sont familiales, c'est vrai qu'évidemment, il y a les enfants, il y a tout le monde qui s'y met. Mais la partition est moins nette que dans les pépinières industrielles. Moi, j'ai opposé pépinière à la vigne, greffage à la vigne et greffage en pépinière. Bon, c'est vrai qu'il y a toutes des situations intermédiaires de ces pépinières familiales ou pépinières artisanales, disons. Mais le travail de greffage est le même, en fait. Non. Alors, le travail, Oui, d'accord, mais... C'est compliqué, la pépinière, si vous voulez. La question, c'est de savoir, est-ce que... Oui, d'accord, mais je comprends bien qu'ils sont dans le champ. C'est un cycle qui se fait sur 2 ans, déjà, parce qu'il faut que ça freine. Donc déjà, on choisit des sarments la première année, puis après, on va faire... Donc, si on fait la greffe sur table, hors vigne, on fait la greffe, puis on va mettre ces boutures, on va les planter, on va les laisser planter une année en pépinière, donc, et dans de la terre spéciale, des fines, etc. Et après, on va la remettre en vigne. Donc c'était juste pour savoir si vous vouliez avoir un justificatif quelconque à la différence de salaire au niveau d'une technicité plus ou moins développée dans les pépinières ou à la vigne. Non, parce que les femmes vont continuer en plus à la vigne à y être. Moi je retrouve même une partition du travail à la vigne dans les années 1920-1930. On a des équipes de greffeurs qui se louent de village en village, surtout dans le Méditerranéen, et qui vont donc, qui comprennent en gros 12 hommes et 8 femmes, les uns qui greffent proprement dit, et les femmes qui amotent. C'est-à-dire qu'ils rabattent la terre dessus, mais qui est un travail de précision. On a des textes là-dessus où les femmes expliquent comment il fallait faire. C'est la réussite de la grève, ça dépend beaucoup de la façon dont on recouvre aussi. Donc les femmes vont y être, mais avec des différences de salaire absolument énormes, de 25 à 33% du salaire de l'homme, même quand elles sont dans la même équipe. Il n'y avait pas le même geste. Non, pas le même geste. Il y a une partition des tâches, oui, mais parce que. Voilà, c'est le problème du travail égal, salaire égal. Si on ne vous fait pas faire d'entrée le même travail, vous dire qu'il n'y a pas de raison. Par ailleurs, c'est jamais égal. Ça, c'est une problématique qu'on retrouve partout. mais elle est encore plus caricaturale, moi, je pense, hein, là-dessus. Alors, donc, moi, ce que j'ai travaillé aussi, donc, c'est évidemment le salaire. Alors, le salaire, pas non très longtemps, c'est la règle du demi-prix. On retrouve cette expression du demi-prix du salaire, du salaire féminin, qui semble s'établir vers 1860, etc., au début. Bon, j'ai essayé de remonter un peu plus haut, je suis arrivé même chez les modernistes un peu, là, avec Jefferson qui se balade en 1780 en France, qui est très attentif d'ailleurs au salaire et aux différences hommes-femmes et tout. Et bon, il y a des endroits où elle est plutôt à 60-65% du salaire de la femme par rapport à celui de l'homme, d'autres on sera plutôt à 40%, et puis on va arriver vers 50-50%. Ça reste 50% et ça devient, même syndicalement, dans les contrats que les ouvriers vont souscrire avec les patrons, dans les grandes grèves qu'il va y avoir en 1904-1905, c'est réclamé, quoi, le salaire de la femme de moitié de celui de l'homme. C'est généralement l'article 3, ou comme ça, c'est considéré comme la norme. Alors après, il peut y avoir certains travaux ou un petit peu dérogatoires dans un sens ou dans l'autre, enfin, notamment dans le greffage qui est dérogatoire, dans un sens plus discriminant, ou par contre la vendange où assez vite la femme va gagner en gros 70% plutôt, 60-70% de celui du salaire de l'homme. Parce que dans la vendange, j'en ai pas parlé, mais évidemment c'est là où il y a le plus de travaux, hein, de travail. La vendange requiert énormément de main-d'œuvre, donc de main-d'œuvre permanente qui est toute mobilisée, mais aussi de main-d'œuvre saisonnière, locale ou extérieure. Il va y avoir des gros déplacements dans tous les terroirs de population, donc jusqu'aux Espagnols qui sont arrivés dans les années 1950. Bon. Mais dans la vendange, la femme, là, la cueillette du raisin, d'une manière générale, est faite par les femmes et les enfants, et le portage, c'est-à-dire soit à la haute, soit avec des paniers, enfin, selon les terroirs aussi, il y a des tas de variantes, est fait par des hommes. Mais là aussi, bon, qui a vendangé, moi, pour avoir fait un peu tout ça, quand j'ai découvert en tant que jeune homme les vertus du portage, sans être un colosse, hein, j'ai trouvé ça infiniment plus facile, je peux vous assurer, que je suis d'accord. Oui. T'as mis la chose de portée, toi? Bah non, mais j'ai coupé. Non, mais j'ai coupé. Voilà, moi, parce que porter, c'est généralement la norme, c'est 4 sauts, enfin bon, pour un homme moyen, hein, sans être un colosse, c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se faisaient, qui portaient 5 sauts, voire 6 sauts, ben, ça veut dire que la norme n'était pas... Il y avait de la marge, voilà, il y avait de la marge. Par contre, pour la cueillette, il faut s'y tenir dans une propriété qui n'est pas familiale, là aussi, parce qu'on a tous les discours sur les vendanges, avec toute une littérature assez folklorique, mais qui fait référence plutôt au vendange en situation de famille. Bon, où effectivement, où tout le monde est signé, on discute, on fait. Mais dans une propriété vraiment organisée, il y a une contre-maîtresse, généralement c'était les femmes, qu'on appelle Boussaine, etc. Dans la Champagne, c'était des hommes plutôt, qui étaient chefs de Hordon, puisque le groupe s'appelle le Hordon en Champagne, enfin bref. Qui surveille, il y a toute une hiérarchie, et il y a une femme donc qui est devant, il faut être à deux souches derrière, mais pas, c'est vraiment la norme de souche, il ne faut pas la dépasser surtout, mais il ne faut pas être trop derrière. Et puis il y a une serre-file, si on peut dire, même si on n'emploie pas ce terme, quelqu'un qui est derrière et qui fait suivre. Donc on est vraiment dans un schéma très industrialisé, quoi, du rythme de production pour la cueillette. Donc voilà, bon, mais ça c'est pour les vendages, alors bon, j'ai fait les tailles en vert et tout. Mais bon, le salaire, c'est un salaire donc à demi-prix, avec donc, comme je vous disais, une très grande flexibilité. Il y a des périodes, il n'y a pas d'emploi permanent pour les femmes pendant très longtemps dans la viticulture. On ne trouve pas haut emploi. D'ailleurs, même le terme, si vous voulez, moi je retrouve beaucoup de propriétaires qui disent j'emploie 20 ouvriers et 10 femmes. C'est systématique, quoi. Ils s'aperçoivent même pas, quoi, de la symétrie du propos, quoi. Ça, c'est permanent, quoi. L'emploi des femmes, et on va retrouver ça très loin jusqu'aux conventions collectives. Bon, ça va être une des premières ruptures. Bon, la loi de 1950, février 1950, qui oblige un paiement de l'un et l'autre sexe, même normalement. En fait, il y a le SMIC, même même si on ne le soulignait pas assez, quand même une rupture fondamentale dans la discrimination du paiement selon les genres, puisque là, dans l'avant-propos même de la fin de les intitulés les attendus de la loi, on parle bon, d'un salaire minimum qui va s'appliquer à l'un et l'autre sexe. Bon, après, il y a le problème du décret d'application et tout, mais ça pose quelque chose qui est radicalement nouveau. Parce que même en 36 et tout, on n'a pas ça. Il faut attendre vraiment la loi de février 50, qui est surtout une loi faite sur les conventions collectives, mais qui explore aussi le SMIC, pas le SMIC, mais le SMIC, et le SMIC agricole, qui était bien inférieur, hein, qui était gros selon les zones, parce qu'on a des zones de 15 à 30% inférieures. Mais enfin, bon, donc ça permet ça. Et après, il y a des conventions collectives. Alors, j'ai travaillé pas mal sur les conventions collectives qui vont être assez nombreuses en viticulture, en fait, dans les départements viticoles. Mais bon, on a des discriminations. J'ai relevé des choses assez savoureuses. Quoi, sur le, on est en 1962. Bon, le coefficient 100, le coefficient 100, c'est le coefficient de base dans une convention collective. En viticulture, dans l'Hérault, c'est l'intitulé, alors ce n'est plus femme, on ne peut plus mettre femme, bon. C'est le personnel occupé exclusivement aux travaux élémentaires de la viticulture, tel que, alors on a la description, tel que ramassage des sarments, ébourgeonnage, attachage et couverture des greffes. C'est drôle que ce soit aussi détaillé, sauf que c'est strictement les tâches qui sont les tâches féminines. Et on est un sport, ça va durer jusqu'en 68, cette formulation, après elle va disparaître. Mais bon, les femmes ne rentrent dans la grille unique donc de rémunération, mais elles restent au coefficient de ça. Alors bon, j'ai sauté sur l'entre-deux-guerres, là, je suis toujours sur les roues. Si on prend on a une répartition des salariés agricoles, alors, l'intérêt de les roues, c'est que c'est à 90% viticole, donc qui dit statistique agricole, quasiment, parce que souvent, on n'a pas la subdivision par production. Donc là, je sais que ça parle de la viticulture. Donc, c'est la grande enquête agricole de 29 hein, qui a donné lieu à des monographies dans pas mal de départements en plus. On a, sur les 41 000 hommes salariés agricoles, 21% qui occupent des emplois qualifiés dans l'Hérault, de régisseur, de contremaître, de laboureur. Et sur les 7 334 femmes répertoriées, en plus, je pense qu'il y a une sous-estimation statistique, on retrouve tout ailleurs, hein, il y a encore plus, il y en a beaucoup qui ne sont pas déclarés. Sur ces 7334 femmes, il y en a 38 qui occupent un emploi salarié, c'est-à-dire 0,5%. Donc vous voyez d'un côté 21,9% d'hommes qualifiés, 0,5% de femmes, là on est en 29. Bon, c'est, je veux dire, c'était considéré comme une évidence, quoi, que là à l'époque on disait femmes. Alors, c'était dans tous les contrats, les femmes seront payées tant. Alors, bon, évidemment, tout ça s'inscrit dans ce qui m'est objecté quand je raconte ça, c'est dire oui, mais la femme, elle était avec quelqu'un qui gagnait, donc l'important aussi c'était que l'homme qui gagne. En fait, ça aussi, j'ai essayé de travailler dessus, on s'aperçoit que c'est faux, quoi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en situation seule. Bon, vous avez un petit peu abordé ce problème du seul. Bon, moi, je ne l'aborde pas dans le problème sociologique, la solitude et tout. En fait, bon, j'ai compris. Mais d'un point de vue économique, on s'aperçoit que soit les célibataires, soit les femmes séparées, parce qu'il y en a, même s'il y a peu de divorcés, il y a pas mal qui sont séparés, et les veuves. Et tout ça n'est pas rien, quand même. Et ça veut dire que ces femmes, au nom de... du fait que le salaire féminin est un salaire d'appoint, gagne le demi-salaire, qui n'est pas un salaire de subsistance. Parce que les hommes passent leur temps, là, quand on voit le discours, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler sur le syndicalisme, vous voyez, agricole, de dire, voilà, combien il faut que je gagne pour que je nourrisse ma famille, quoi. Et ils donnent un budget de la famille type, papa, maman et les deux enfants, en gros, quoi, en trois. Enfin, deux, parce que souvent, on a le midi avec deux enfants. Là, eux, ils arrivent à montrer qu'ils ne gagnent pas assez pour être le male breadwinner, comme on dit en bon français, quoi. L'homme gagne peine, quoi. Mais la femme, elle, a fortiori, quand elle gagne à moitié, et si elle a charge de famille, ce qui est souvent le cas, quand on prend les listes de recensement, on voit des tas de situations avec une femme qui travaille, et puis des charge, ou des enfants, ou des collatéraux, etc. Et ça, c'est pas évoqué finalement, le côté quoi, d'un salaire qui n'est même pas dans la reproduction de la force de travail, pour employer un terme marxiste, quoi. Qui n'assure pas. Quoi. Il faut qu'il y ait des revenus par ailleurs, qu'il y ait une assistance par ailleurs, pour que effectivement ces femmes-là. Ça m'a aussi intéressé bon, de voir que c'est absolument pas repris au niveau syndical. Quoi. Ça, alors je trouve, il faut arriver aux premières grèves féminines pour voir des spécificités. Alors, c'est là où le problème, c'est qu'on en a très peu. Alors, les premières, bon, les grandes grèves viticoles, donc dans le midi de la France, on va en avoir quelques-unes en Gironde, quelques-unes ailleurs, mais bon, un petit peu en Champagne aussi, mais les grandes grèves sont quand même dans le midi méditerranéen, hein, les 3-4 départements des Pyrénées-Orientales, là. Il y a une grande vague de 1903, fin de 1903, début 1904, une autre en 1905. Alors là aussi, toute la Vulgate retient les 1907. 1907, c'est une lutte interclassiste qu'on appelle, bon, pour aller vite. Et puis, ça va reprendre 1908 jusqu'en 1913, à peu près. Il va y avoir de très nombreuses grèves aussi en milieu viticole. Après, il y en aura, on va avoir de grandes grèves, 22, 27, mais beaucoup plus ponctuelles. On n'aura pas des grèves quasi générales comme elles étaient entre, disons, entre 1903 et 1913. On en a quelques-unes pendant la guerre qui sont intéressantes. Et justement, mais pendant la guerre, les hommes étant partis, les femmes faisaient tout. Bah, oui, elles prenaient les postes des hommes et elles les reprenaient. Ça, c'était après, intéressant. Mais... Ça, je veux le travailler aussi là, là-dessus, parce que ça heurte d'un point de vue économique, logiquement. Le demi-salaire, il aurait dû exploser pendant la guerre. Mais oui. Puisque la femme devenait une main-d'œuvre de plus en plus recherchée. Et en fait, le demi-salaire reste. Et ça, c'est extraordinaire, parce que alors là, tous nos préceptes économiques, ils vont en éclat. Quoi. Ça aurait dû. Il n'y a même pas de manière provisoire, il n'y a pas de remise en cause du demi-salaire pendant la Première Guerre mondiale. On voit des femmes qui sont mises à tailler, là où elles ne taillaient pas, de manière assez. Enfin, il y en a beaucoup dans les petites propriétés, mais même dans quelques grandes propriétés, on explique comment on pourrait même diviser taylorisme, puisque c'est la grande époque de Taylor qui commence. Comment on pourrait taylorser le travail de tâche pour que des femmes qui, pourtant, ne savent pas trop faire, mais pourraient peut-être se mettre à tailler, etc. Enfin, avec, on a des textes savoureux là, sur des spécialistes qui viendraient encadrer des femmes. Enfin, donc, elles accèdent à certains types de travaux. Et en même temps, alors, ça, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi tout le rapport à la vinification. Parce que j'ai parlé des vendanges, les femmes sont là. Par contre, elles sont totalement exclues des chais. Alors, sur un préjugé un peu tenace, hein, sur le fait qu'une femme qui a ses règles, ça gêne hein, la vinification, soit la macération, soit on ne sait pas si c'est la vinification. Mais il faut exclure les femmes, et on les exclut. Et là, pendant la guerre, on est bien embêté. Parce que, du coup, si on veut faire la viticulture, ça a la particularité que c'est pas, on ne fait pas que du raisin, sauf pour le raisin de table. On fait du vin. Donc, il y a tout le travail en cave, il y a peu de coopératives encore à l'époque, dont se pose le problème de l'entrée et du savoir-faire. Donc là, je ne le développe pas, mais ce côté qu'on a interdit aux femmes la transmission des savoirs viticoles fait problème pendant la première, bon, on refera problème pendant la seconde guerre. Mais bon, on voit des textes de Poilu, je retrouve, qui disent... qui écrivent à leurs femmes pour qu'elles disent au beau-père tu feras ça et tout, elles sont passeuses quoi, de savoir, mais l'idée qu'elles puissent elles être pleinement devenir viticultrices et vigneronnes est totalement exclue quoi. C'est vraiment une parenthèse, on la referme très vite en plus hein. Alors avec des rancœurs que ça va soulever avec quand même bon, les femmes s'aperçoivent que ma foi tailler c'était peut-être mieux que ramasser le sarment, que voir que porter la haute, parce que pour une femme assez charpentée, je pense, ça ne faisait aucun problème. C'était peut-être mieux que de cueillir les raisins, surtout si elle était cueillie double, etc. Bon, greffer, on s'aperçoit qu'il y a des femmes qui vont greffer et que ça marche, que ça fait des raisins. Non, mais on a des textes de femmes presque étonnées. Alors, moi, je ne sais pas sur le texte, moi, je fais des encarts là, dans mon ouvrage et tout. Parce qu'on a des femmes qui sont totalement, qui se révèlent finalement. Alors, mince, ça a marché, quoi. que je crois qu'on leur avait tellement intégré aussi que ce n'était pas un travail de femme qu'elles ne pouvaient pas. Et faire le vin, eh ben, c'est vrai que ça va être difficile. En plus, on est en 1915, on a une année très pluvieuse, manque de sulfate et de cuivre, manque de soufre, très petite récolte, la plus petite récolte historique. Donc, bon, on va avoir tous les discours de dire ben oui, c'est normal, il n'y avait que les femmes et les infâmes, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas pu beaucoup. Il y avait aussi l'auto-justification que s'il y a eu cette mauvaise récolte catastrophique, alors qu'en fait, c'est la manque de produits, de matières premières qui n'a pas permis de souffrer, de sulfater. Hein, donc, et puis, manque de fumure, donc d'une année sur l'autre, ça s'est cumulé, etc. Enfin, bref, il y a rien que la guerre serait un objet de recherche là-dessus, puisqu'en plus le vin se vend bien, ça rapporte, on a le vin aux soldats, donc pour les zones comme les zones du Midi, que ce soit Gironde, que ce soit en fait, toutes les zones qui ne sont pas concernées par les théâtres de la guerre, comme on dit, c'est quand même une bonne période, hein, d'un point de vue économique, évidemment, je ne parle pas, il y a des morts partout, mais c'est vrai que le vin va bien se vendre et que voilà, mais on revient après, et comme je vous disais, 29, il n'y a pas une seule femme, enfin, il y a 0,5% de femmes qualifiées en agriculture, je demande de savoir qui elles sont d'ailleurs, mais le barrage continue, quoi, effectivement. Alors après la Seconde Guerre mondiale, bon, c'est le survol, les choses vont exploser, bon, elles explosent. Il y a cette fameuse loi de 1950 qui est importante. La norme devient un peu le salaire féminin, 80% du salaire de l'homme. On va le retrouver très longtemps, même si c'est plus légal par rapport à la loi de 1950, hein, de dire le salaire. Mais on le retrouve même dans les conventions collectives. Ça, c'est intéressant, parce que alors que la formulation n'est plus du tout légale, de dire la femme sera payée à 80% du salaire de l'homme. Mais parfois, on ne retrouve pas ça, mais on s'aperçoit que ben, la femme, elle est à 100, des 10, et l'homme, il est à 125, le premier homme. Donc, en fait, on retrouve 80%. C'est une façon de détourner en mettant les premiers hommes, les premières manœuvres à l'indice 125, comme je vous montrais, en excluant les travaux. Alors bon, moi je ne sais pas, j'aurais pu développer sur beaucoup d'autres choses. Bon, sur le rapport entre domestique et bon, qui est aussi fondamental, sur les heures de travail, j'essayais de voir si le temps de travail déterminé pour les femmes est inférieur. On s'aperçoit que jusqu'en 1914, en gros, c'est pratiquement toujours le même temps de travail pour les femmes. Et après, dans l'entre-deux-guerres, on va avoir les conventions et tout. Bon, j'en ai de la Gironde, mais on le retrouve un petit peu aussi dans le Midi méditerranéen, ou dans la Champagne, où le temps de travail professionnel est plus court, et manifestement pour dégager du temps de travail domestique. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que là se met en place cette forme de retrait, quoi, de la femme du système productif vers la sphère domestique, qui va s'accentuer après dans les années 50 sous le prétexte que le salaire féminin coûte cher, parce que ouais, c'est quand même ça, du moment qu'il va coûter comme un homme, il coûte cher. Donc, du coup, on va culpabiliser les femmes, vous voyez, on ne vous emploie plus parce que vous coûtez trop cher, quoi. Bon, en fait. Donc, certains même développent, je retrouve, y compris les universitaires qui développent, comme quoi la productivité des femmes n'atteint pas celle de 80% des hommes, etc. Donc, la norme de 80% n'est pas justifiée. Enfin, bref, donc il y a un retrait massif. On ne gardera les femmes pour travailler généralement que pour les vendanges. Là, on en a toujours besoin. Il faut attendre les années 80 pour voir se généraliser des machines à vendanger. Donc, là, elles vont rester là. Bon, des vendangeuses de plus en plus qui sont espagnoles en plus, alors qui elles sont totalement transparentes. Je n'ai pas une seule interview, j'ai des interviews d'ouvriers espagnols, de saisonniers espagnols, mais des femmes alors. Ça, c'est vraiment. J'ai un paragraphe, j'intitule La vendangeuse espagnole, c'est inconnu. Elle, on l'a dit travailleuse, on l'a dit dure au mal, on la qualifie, mais elle n'existe pas. Quoi. Elle est, bon. Mais enfin, elle travaille, elle coupe les raisins, donc c'est ça, c'est tout ce qu'on lui demande. Bon, alors après, on peut. Bon, il y a toujours aujourd'hui, moi, quand on. Bon, vous faisiez référence au film de Marcel Trias, c'est intéressant qu'il y en a cinq de femmes qui sont interviewées. Oui, il y a cinq portraits. Mais on retrouve pas mal de femmes, surtout. tout dans le Bordelais, il y en a beaucoup qui sont encore dans les villes. Mais il faut aller les chercher, c'est souvent marocain, celle-là était française, mais c'est encore plus, je crois, transparente que les femmes. C'est une qui est séparée et qui a 3 enfants d'ailleurs. Oui. Elle a 40 ans, séparée, 3 enfants. Donc. Oui, mais c'est le seul par rapport aux 5, puisque j'ai regardé le film, où on voit ses enfants des fois venir à la vigne d'ailleurs. Parce que bon, on retrouve que ça, c'est une des composantes de l'agriculture, alors je ne l'ai pas développé, mais la main-d'œuvre infantile. Moi, je crois qu'on ne peut comprendre ce demi-salaire des femmes et tout, que si on repart du travail infantile. Moi, j'ai créé un peu une idéologie en parlant de travail inféminisé. Parce qu'en fait, on dit les enfants sont payés comme les femmes. Non, c'est les femmes qui sont payées comme les enfants. Mais souvent, j'ai des collègues, vous connaissez mieux que moi, mais des collègues historiens qui me disent, mais dans l'industrie, la règle, c'était un quart les enfants, demi les femmes, et tarif plein pour les hommes. Moi, je ne trouve pas ça. Je trouve toujours le salaire féminin beaucoup plus proche du salaire enfantin. Même dans les mines et tout, parce que je connais bien. Je trouve ce salaire féminin qui décolle très peu. Quoi. En fait, la petite fille, le petit garçon sont payés pareil. Et quand ils deviennent à l'adolescence, le garçon, à partir de 14 ans, passe dans les... Concrètement, à 13 ans, il est avec l'équipe des femmes. À 14 ans, il passe avec l'équipe des hommes. Et à 16 ans, en gros, il va gagner comme un homme. Et la petite fille qui arrive à 16 ans, elle va continuer à gagner comme elle a gagné à 12. Elle ne décolle pas. Et puis, la femme de 40 ans va gagner comme celle de 16, comme celle de 12. C'est cette composante de, peut-être au moins aussi importante quoi, que le demi-salaire. Quoi, d'un salaire qui, sur le cycle de vie, n'évolue pas. Et ça, pour moi, c'est relié à l'absence de formation, à ce refus. Et bon, je ne peux pas, mais c'est tout à fait intéressant de travailler sur les programmes de ces fameuses écoles ménagères agricoles. Il y a de tout sur de l'agriculture. Moi, dans les zones viticoles, les programmes que je trouve, le seul moment où on parle de viticulture, c'est pour parler des raisins, les raisins bons, les raisins qu'on va mettre dans de l'alcool, les raisins de table, mais comme s'il n'y avait pas de vignes, alors qu'elles sont en école et dans un océan de vignes. Quoi. Mais surtout, non, on apprend la agriculture, on apprend le domestique, on apprend mais absolument rien de la vigne, surtout pas. Donc après, quand se pose la transmission de la propriété et tout, évidemment, on ne va pas dire à la fille ce que toi tu reprends. Hein. C'est inscrit. Et donc le demi-salaire, pour moi, le terme, bon, je l'ai repris parce que le demi-prix me paraît intéressant, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un salaire enfantin, peut-être plus qu'un demi-salaire. Moi, je finirai là-dessus. Et en Champagne, pour ce salaire, c'est demi-salaire. Enfin, je retrouve partout ça. Les salaires, quand même, ce qui diffère, c'est beaucoup la durée de travail est beaucoup plus forte dans les pays, les pays septentrionaux, où il y a moins de le prolétariat, il n'y a pas de petites vignes à côté. Alors, je n'ai pas développé, il y a en Beaujolais, il y a le vigneronnage, qui est une forme aussi de forme de métayage. Dans la Gironde, il y a le système à prix fait qu'on a fait. Alors ça, je ne vais pas développer non plus, mais c'est la rémunération aussi. Les ouvriers se battent pour ne pas avoir le travail à forfait. C'est-à-dire un travail à taille la souche, ou mille souches. Et le seul travail à forfait qui est, c'est de ramasser les sarments. Ramasser les sarments, c'est payé à 100 fagots. Fagots faits individuels, enfin, il y a des techniques aussi. Les fagots, c'est pas n'importe quoi. Mais ça, alors ça, généralement, il y a le travail à forfait interdit. Et puis, deux articles suivants, il y a le travail, le ramassage des sarments sera payé à temps les 100 fagots. Donc, il est interdit, mais en fait, il est interdit pour les hommes. Alors, ça, je me suis dit, mais pourquoi ? Et pourquoi les femmes ne remettent pas en cause ce travail à forfait ? Et là, c'est là où on rejoint le travail, toute la pluralité des travaux, parce qu'étant à forfait, la femme prend une vigne d'un hectare, par exemple, elle sait qu'elle a 500 fagots à faire, ou tout comme ça, en gros. Bon. Elle peut y aller quand elle veut, ou quand elle peut. C'est-à-dire qu'elle pourra y aller le matin, ou elle pourra y aller l'après-midi. S'il y a une lessive à faire, elle n'ira que 2 heures et elle pourra faire sa lessive, etc. Donc, il y a cette flexibilité, elle est dans le rapport salarial et elle est dans le rapport domination à l'intérieur du couple aussi, quoi, parce que du coup, il faut pas quand même, si elle fait ramasser sa main, que la soupe soit froide, quoi. Il faut qu'elle soit partout. Donc, la femme ne va pas protester contre le rapport, contre le travail forfait. Et ça, ça a été peu travaillé, je trouve. Il y a fouillé là-dessus, quoi, sur les modes de rémunération liés au lien entre sphère domestique.